j'ai la gagne seule comme ça. Mes amis sont des pizzas. Elles ont envahi mon salon. C'est joli, ces meubles en carton. Ce soir tout va changer, car je vais tout transformer. D'un coup je vais devenir une star. Devenir une star. Ouais. Devenir une star. Devenir une star. Je mets un bouson clouté, du gel pour me coiffer. Des pics sur la tête, c'est trop chambé. Accrochez-vous, ça va swinguer.